Sanctifiez les sangs et le sang, c'est un concept. Encore. Je ne sais pas le jour. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demain. La lumière mettra les ombres à cette terre. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière mettra les ombres à cette terre. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à tout esprit grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, Jésus, je viens à toi.

âme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est celle des bonnes. Près de ton cœur, les pleurs sont doux. Sois que ta main nous frappe, nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Fais en tout temps, à tout bien je peux faire ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Oui, en tout temps, sous la croix la plus dure, au jour mauvais comme au jour radieux, je puisse dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je me demande, ô mon Dieu, qu'une chose soit mon trésor, mon appui précieux. Pour tout le reste, encore je fais disposer, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc sur mon cœur ton empire, règne si bien et pas de doux humeur, que rien jamais ne m'empêche de dire, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis le jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur des voix plus heureux. Libre qu'ici, je mets la veine des larmes. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Amen. Cantique numéro 8. Jésus est si doux, le Dieu des amants, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis, le nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni sois ton nom. Oh, merveilleux don, merveilleux Jésus, Amen. Amen. 166. Qu'il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Il est tout le sacrifice de ton feu, mon cœur. Ah, oh Jésus, par ma vie. Dans leur pensée. Thank you. Thank you.